mer est bleue, le sable doré. Un été magique, on va s'aimer. Laissez-vous emporter par cette douce liberté. Chantez et dansez sous le ciel de l'été. Les étoiles brillent, nos rêves s'échappent. La mer est bleue, le sable doré. Un été magique, on va s'aimer. Laissez-vous emporter par cette douce liberté. Chantez et dansez sous le ciel de l'été.